Tu es ce que tu veux, blanc, noir, chintoc, riche, pauvre, dès ton premier shoot, te v'là en mission. Et cette mission, elle finira jamais. T'as plus de baraque, ni de pognon, ta famille s'est taillée. Et tu te retrouves au trou. Tu continueras à chercher ta dope. Je sais. Ouais, jamais elle s'arrêtera cette mission. Jusqu'à ce que t'en crains. Le diable est parmi nous et sème son sable blanc. Au plus sur son passage jaillissent et poussent des membres vivants. Toi qui avais fait un baraque, t'es pourri des corps pour l'argent. Tu n'amélioreras pas ton décor en l'accomplissant. Le diable est parmi nous et sème son sable blanc. Au plus sur son passage jaillissent et poussent des membres vivants. Toi qui avais fait un baraque, t'es pourri des corps pour l'argent. Tu n'amélioreras pas ton décor. Gros sont contraints d'être messagers du diable, ils vendent le caillot pour tenter de faire de la caillasse, pour voir sortir du sable mou. Mais ce qu'ils ignorent hélas, le bis de la cam, une rue sans beau. Et même si t'arrives au bout, la flécaille sera au rendez-vous. Donc réveille-moi, tu vends la mort en paquet. Ils me parlent d'apaiser leur souffrance. Je te réponds qu'un être humain manque à mes yeux une pire balance. N'est pas de remords, si peu après tu l'es livré, un faux gonflé de sa cadence. Bloqué 3 heures en cage sur lui, frisson sur froid commence. Cracher ton identité suffirait à sa délivrance. Il a beau tenter de résister, mais le manque en chante de force. Douleur qui ne l'a. À l'avenir tu n'es plus là, il ira ailleurs pour sa substance. Te v'là seul entre quatre murs, pour toi une nouvelle vie commence. Les yeux rivés vers le ciel, tu pries pour que ta vie recommence. T'as cru t'en sortir, malheureux, regarde-toi, tu t'enfonces. À l'ombre tu pries des nuits pour qu'à l'aube l'état te donne ton ultime chance. Le diable est parmi nous et sème son sable blanc. Au plus sur son passage jaillissent et poussent des membres vivants. Toi qui avais fait un baraque, t'es pourri des corps pour l'argent. Tu n'amélioreras pas ton décor en l'accomplissant. Le diable est parmi nous et sème son sable blanc. C'est pousse des membres vivants. Toi qui avais fait un baraque, t'es pourri des corps pour l'argent. Tu n'amélioreras pas ton décor. Le plein du mal, on fait l'effort d'être al. Du cartel de Medellin, n'a pas d'âme ventilicite, de médecine illégale. Qui pour mes dessins a sauvé ma caille de la caille. La morale de l'histoire plus pratique parmi nous, la Montréal. Sous la prise du maître de Youth, elle délâche totalement les rênes. Des échecs solaires massifs dans des bains de sang, ils se baignent. Quand l'envie passe au besoin de se foutre la meuque après les veines. Son caille massif tient le signal. Afin que ce fléau freine. Le plein du mal, on fait l'effort d'être al. Du cartel de Medellin, n'a pas d'âme ventilicite, de médecine illégale. Qui pour mes dessins a sauvé ma caille de la caille. La morale de l'histoire plus pratique parmi nous, la Montréal. Le diable est parmi nous et sème son sable blanc. Au plus sur son passage jaillissent et poussent des membres vivants. Toi qui avais fait un baraque, t'es pourri des corps pour l'argent. Tu n'amélioreras pas ton décor en le pourrissant. Le diable est parmi nous et sème son sable blanc. Au plus sur son passage jaillissent et poussent des membres vivants. Toi qui avais fait un baraque, t'es pourri des corps pour l'argent. Tu n'amélioreras pas ton décor en le pourrissant. Même si sans vrai mon esprit pour rien au monde, je gâcherai ma vie. Ce n'est pas avec une autre poussière que je mettrai fin à tous mes soucis. Ni encore moins risqué péril de terminer mes jours en son prix. Si je suis là, il s'en vous parler, je le dois. Oh papa almighty, aïe. Certains trouvent la vie garde et collaborent avec le diable. Avec lui, il signe un pacte, faire le mal pour le mal. D'année avant son caillou, de répandre partout son sable blanc. Cristal touchant trop d'acrotis mal, les changeants canibales. Bois dans mon île, le crack a grandi ses ravages. Demande dans le ghetto, bois ça en passant par les carénages. Bois dans mon île, le crack a grandi ses ravages. Demande dans le ghetto, bois ça en passant par les carénages. Le diable est parmi nous et sème son sable blanc. Au plus sur son passage jaillissent et poussent des membres vivants. Toi qui avais fait un baraque, t'es pourri des corps pour l'argent. Tu n'amélioreras pas ton décor en le pourrissant. Le diable est parmi nous et sème son sable blanc. Au plus sur son passage jaillissent et poussent des membres vivants. Toi qui avais fait un baraque, t'es pourri des corps pour l'argent. Tu n'amélioreras pas ton décor en le pourrissant. Le diable est parmi nous et sème son sable blanc. Au plus sur son passage jaillissent et poussent des membres vivants. Toi qui avais fait un baraque, t'es pourri des corps pour l'argent. Tu n'amélioreras pas ton décor en le pourrissant. Le diable est parmi nous et sème son sable blanc.